Quel est le mot pour dire aujourd'hui? Hein, rappelez-vous qu'aujourd'hui, on boit du gin et on lève nos verres pour se dire à la tienne. Je sais qu'il y a chen et tien, mais... C'est avec un pouce vert. Chen. Jin tien. Jin tien. Parce que jin veut dire actuellement, n'est-ce pas? Cela veut dire que cela se passe en ce moment. Oui, et tien signifie jour. Jin tien pour dire aujourd'hui. Oui, donc deux pouces verts à la suite. Donc c'est un mot entièrement vert. Alors, comment dites-vous aujourd'hui? Jin tien. Jin tien. Le mot chinois pour dire chaque est... Mai, mai, vert rouge de la victoire, mai, pour dire chaque. C'est comme le mot français, le meilleur. Mai. Ma devise est, chaque jour qui passe est meilleur que le précédent. Mai. Comment pensez-vous que l'on dit chaque jour? Mei ti tian. Mei tian. La pensée positive est essentielle pour moi et chaque mei jour tian. Chaque jour mei tian qui passe est meilleur que le précédent. Dites alors, je regarde la télévision tous les jours ou chaque jour. Mei. Qui fait l'action? Oui, c'est moi. Wo mei tian kan dian shu. Comment dit-on télévision? Dian shu. Dian shi. Dian shi. Je regarde la télévision tous les jours. Wo mei tian kan dian shi. Regardes-tu la télévision tous les jours, ou littéralement chaque jour? Ni, ni, mei tian, kan, dian shi, ma. Regardes-tu la télévision tous les jours? Ni, mei tian, kan, dian shi, ma. Les Français regardent-ils la télévision tous les jours? 法国人每天看电视吗? Les Français regardent-ils la télévision tous les jours? 法国人每天看电视吗? Pour dire certains en chinois, on dira il y a certains, c'est-à-dire yao de, yao, vert rouge de la victoire, de, point fermé, yao de, pour dire certains. Alors, comment dites-vous il y a? Yao. Et comment dites-vous certains ou il y a certains? Yao de. Alors, dites. Certaines personnes en France regardent la télévision tous les jours. Et la manière dont nous dirons cela est « En France, certaines personnes, chaque jour, regardent la télévision. » Fa, guo, certaines personnes. Yo de kan dian shi. Oh, en France, certains, chaque jour, d'accord. En France, certaines personnes, chaque jour, regardaient télévision. Fa guo you de mei tian. Et qui fait l'action? Certaines personnes. Je n'ai pas dit you de. Je voudrais entendre le mot pour personne ou gens. Ah d'accord. Fa guo 有的人每天看电视。 Certaines personnes en France regardent la télévision tous les jours. 法国有的人每天看电视。 Bon, alors voici maintenant deux autres phrases pour vous aider avec celles que l'on vient de voir. L'une est « Il y a une bonne école à Pékin ». Alors, comment allez-vous traduire cela sans traduire le « une » ? 在北京有好学校。 Comment dites-vous « école » ? 学校。 Oui, 学校。Comment dites-vous « Pékin » ? 北京。 C'est ça, 北京。Maintenant, dans cette phrase, on peut omettre le « zai ». Oui, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la personne qui fait l'action. C'est « à Pékin, il y a une bonne école ». En comparaison, nous avons « tu as des amis à Pékin » qui se dirait « ni yo ». Alors, reprenons ça encore une fois. « À Pékin ». Zai Beijing. Tu as des amis. Ni you peng you. Dans ce cas, nous avons besoin de zai. Oui, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de confusion entre le fait de savoir si c'est Pékin ou toi qui fait l'action. Donc, pour savoir que cela se passe à Pékin et que tu fais l'action, nous utilisons zai. Alors, comment dira-t-on « Il y a une bonne école à Pékin » ? Beijing yǒu hǎo xue xiào. Et comment dira-t-on « Tu as des amis à Pékin » ? Zài Beijing nǐ yǒu peng yǒu. Et comment dirons-nous « Certaines personnes en France regardent la télévision tous les jours » ? Donc, en France, certaines personnes, chaque jour. 在法国每 certaines, il y a certaines. Certaines. 有的 personnes. Jeune. Chaque jour, regarde la télévision. Mei tian kan dian shi. En France, certaines personnes regardent la télévision tous les jours. Zai fa guo you de ren mei tian kan dian shi. Nous employons zai ici, pour dire « en France ». Oui, c'est pour qu'il n'y ait aucun risque que les gens puissent penser que la France fait l'action. Donc, dites maintenant, regardes-tu la télévision tous les jours ? Tu, chaque jour, regardes la télévision, plus le mot interrogatif. Exactement. Alors, merci. Ni, mei, tien, kan, dian shi ma ? Regardes-tu la télévision tous les jours ? Ni mei tian kan dian shi ma ? Je n'ai pas de télévision. Wo mei you dian shi. Je n'ai pas de télévision. Wo mei you dian shi. Vraiment ? Zhen de ma? Vraiment. Zhen de. Vraiment. Zhen de ma? Vraiment. Zhen de. Chaque famille, chaque maison, hein, parce qu'en Chine, la maison est synonyme de famille. Alors, traduisez, chaque famille a une télévision, sans traduire une. 美家有电视。 Chaque famille a une télévision. 美家有电视。 Comment diriez-vous maintenant ? Mais tu dis que chaque famille a une télévision. En sachant qu'on ne traduit pas le que. 可是你说每家有电视。 Mais tu dis que chaque famille a une télévision. 可是你说每家有电视。